بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، تلوج تا الله سبحانه وتعالى اون سيت نوي دو 10 دو القعدة 1441 qui correspond au 30 juin 2020. Nous nous retrouvons, frères et sœurs en Allah Azza wa Jal, sur les ondes de votre radio du site Taqwa pour une assise concernant les actes du cœur. Et qu'on se rappelle que ce bas monde est un passage, et la vie éternelle est dans le delà. Et ce bas monde n'est que le terrain d'œuvre pour le delà, la demeure des comptes, pour le delà qui est la demeure des comptes. Ali radiallahu anhu arda a dit, ce bas monde est parti. On nous donnons le dos, et le delà avance en nous faisant face. Et les deux demeures ont des adeptes. Soyez des adeptes de l'au-delà et ne soyez pas ceux de ce bas monde. Car aujourd'hui, il y a les œuvres sans les comptes, et demain, c'est les comptes sans les œuvres. Fin de la parole de Ali radiallahu anhu arda. Prenons Allah subhanahu wa ta'ala et sur Allah subhanahu wa ta'ala, le doué de raison et le doué d'intelligence qui cherche à sauver son âme, œuvre pour après la mort. Il est incapable, suit ses passions et vit dans les souhaits. C'est notre deuxième assise, Inch'Allah, autour du sujet du repentir, qui est le repentir est une noble adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup et qui est très bénéfique à l'être humain. C'est la fonction de la vie, car le serviteur est faible. Et dans ce bas monde, il est entouré de beaucoup d'ennemis, des shayatines humains, des shayatines jinn, qui lui embellissent le mal, et qui le motivent vers le mal, et son âme, incitatrice au mal. Et ce monde dans lequel nous vivons est plein de séditions, plein de tentations. Et l'une des particularités de l'être humain, c'est de commettre des péchés, de commettre des erreurs. Comme nous l'a annoncé le messager qui n'a dit que la vérité, qui est le véridique, qui n'a dit que la vérité, alayhi salatu wassalam. Et les meilleurs des pécheurs et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. Durant cette assise, Inch'Allah, on prendra un certain nombre de hadiths de Riyad Salihin concernant le repentir avec l'interprétation du noble Cheikh, le Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le firdaus al-a'la. Et on commence par ce hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu arda, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, je demande le pardon d'Allah et je me repens à Allah plus de 70 fois dans la journée. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Le messager d'Allah a dit qu'il se repent à Allah plus de 70 fois dans la journée. Et selon Agar ibn Yasar radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah a dit, ô gens, repentez-vous et demandez le pardon d'Allah. Moi-même, je me repens 100 fois dans la journée. Le hadith est rapporté par Muslim. Le messager se repent 100 fois par jour. Qu'on regarde, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, beaucoup de savants ont avancé que les nombres cités dans ces hadiths expriment l'abondance et non uniquement un nombre défini. Le rédi Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi a dit que Nawawi rahimahullah, l'auteur de Riyad Salihin, a cité au début de ce chapitre les preuves de l'obligation du repentir dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Et ces deux hadiths cités ici, ce sont des arguments de la sunna. Et il a dit, rahimahullah, car, Cheikh Al-Uthaymeen a dit que Allah subhanahu wa ta'ala couvre de sa sainte miséricorde, car plus il y a de preuves, plus la chose se renforce et se confirme dans l'obligation. Et il a cité le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu arda, qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré comme quoi il demandait le pardon et se repentait à Allah plus de 70 fois. Alors que c'est le messager d'Allah à qui a été pardonné les péchés passés et à venir, alayhi salatu wa sallam. Et dans le hadith de l'Aghar ibn Yasar al-Muzani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, le messager a dit, ô gens, repentez-vous et demandez le pardon d'Allah, car moi-même, je me repens à Allah 100 fois. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi a dit, les deux hadiths sont une preuve que le repentir est obligatoire, car Allah l'a ordonné aussi dans le verset, qui dit, Ya ayyuhan nas, toubou ila Allah. La traduction approximative du sens du verset, ô gens, repentez-vous à Allah. Et il a dit, rahimahullah, et quand l'être humain se repent, il acquiert deux grands bienfaits. Et dit le plus grand des bienfaits, le premier, la mise en application de l'ordre d'Allah et de son messager. Et dans la mise en application de l'ordre d'Allah et de son messager, il y a tout le bien. Car c'est la plateforme du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le deuxième grand bienfait, il prend comme modèle le messager d'Allah qui se repent dans la journée 100 fois. Il disait, alayhi salatu salam, astaghfirullah wa atubu ilayhi, etc. Il dit, rahmatullah alayhi, il faut que le repentir soit véridique. C'est l'être humain se repent, il doit renoncer au péché. Quant à la personne qui se repent avec sa langue, alors que son cœur renferme la désobéissance ou le délaissement de l'obligation, il ne délaisse pas et il continue à délaisser les obligations, ou il se repent avec sa langue, il s'obstine à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec les membres de son corps. Il dit, rahmatullah alayh, son repentir ne lui servira à rien, ça ressemble à de la moquerie. Il dit, rahimahullah, comment tu dis, je me repens à Allah, et en même temps tu t'obstines sur la désobéissance. Tu dis, je me repens à Allah, et tu es résolu à lui désobéir. Il dit, rahimahullah, l'être humain, s'il se comporte de la sorte avec un autre humain, celui-là va lui dire, tu te moques de moi ou quoi? Tu dis que tu ne feras plus cela et tu le refais. Et il dit, rahmatullah alayhi, agir ainsi, c'est de la moquerie et c'est du jeu. Qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis du Seigneur du monde, subhanahu wa ta'ala? Il dit, rahmatullah, il est obligatoire que nous soyons véridiques avec Allah dans le repentir. Et qu'on renonce au péché d'un renoncement véridique. Et qu'on déteste les péchés. Et qu'on regrette ce qu'on a fait. Pour que le repentir soit sincère. Et il dit, rahimahullah, les deux hadiths cités auparavant nous montrent que notre prophète, alayhi salatu wassalam, est l'être qui était le plus fort dans l'adoration d'Allah. C'est lui qui craignait le plus Allah. C'est lui qui préservait au mieux les droits d'Allah et qui connaissait mieux Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, ces deux hadiths prouvent que le messager alayhi salatu wassalam enseignait le bien avec sa langue et ses actes. Avec sa parole et avec ses actes, il enseignait le bien. Et il dit, rahimahullah, le messager demandait le pardon d'Allah et il ordonnait aux gens de demander le pardon d'Allah pour que les gens le suivent, pour que les gens fassent comme lui et qu'ils le prennent comme modèle et qu'ils mettent en application son acte et qu'ils s'y soumettent à son ordre, alayhi salatu wassalam. Il dit, rahimahullah, et cela prouve le conseil complet que le messager prodiguait à la communauté, alayhi salatu wassalam. Il dit, rahimahullah, il est de notre devoir aussi de prendre le messager comme modèle quand on ordonne aux gens quelque chose, que nous soyons les premiers à la mettre en application. Et si on leur interdit quelque chose, que nous soyons les premiers à s'en abstenir. Et ça, c'est la réalité du da'i vers Allah. Et c'est la réalité de la da'wa vers Allah. C'est que tu fasses ce que tu ordonnes et que tu t'abstiens de ce que tu interdis, comme le faisait ton messager, alayhi salatu wassalam. Il dit, rahimahullah, il ordonnait le repentir et lui-même se repentait plus que nous. Et il dit, rahmatullah alayh, nous demandons à Allah de nous pardonner et de nous guider tous sur la voie droite. C'est Allah seul qui donne la réussite. Et passons au hadith suivant. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu arda, et Anas ibn Malik, le messager d'Allah a dit, si le fils d'Adam avait une vallée pleine d'or, il en souhaiterait une deuxième. Pourtant, seule la terre remplira sa bouche et Allah accepte le repentir de celui qui se repent. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. L'érudit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit, ce hadith signifie que le fils d'Adam ne sera jamais rassasié de l'argent. S'il a une vallée d'or, il en voudrait une deuxième. Il demanderait avoir une deuxième. Il ne remplira son ventre que la terre quand il délaissera ce bas monde et qu'il se fera enterrer. Dans ce cas-là, il sera rassasié car il l'a manqué et il ne l'a pas eu. Et malgré cela, le messager a dit, malgré cela, le messager a incité au repentir. Il dit, rahimahullah, car souvent, ceux qui convoitisent l'argent ne se préserve pas des choses illicites et du gain illicite. Il dit, rahimahullah, mais le remède à cela, c'est le repentir à Allah. Il dit, c'est pour ça que le messager, alayhi salatu wassalam, a dit, et Allah accepte le repentir de celui qui se repent. Il dit, rahimahullah, donc celui qui se repent de ses erreurs, même s'il s'agit d'erreurs en rapport avec l'argent, Allah accepte son repentir. Passons à notre hadith. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah a dit, Allah rit à la vie de deux hommes dont l'un tue l'autre et tous deux entreront au paradis. Le premier combat pour la cause d'Allah et y est tué, puis Allah a accepté le repentir de son tueur qui est rentré dans l'islam et puis connu à son tour le martyr. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. L'érudit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah dit ce hadith. Dans ce hadith, Allah rit à la vue de deux hommes et la cause, c'est qu'ils avaient une aversion entre eux dans ce bas monde. Et un a tué l'autre et Allah a changé cette aversion qu'ils avaient dans ce bas monde et a enlevé la haine qu'ils avaient. Car les gens du paradis sont purifiés de la haine et de la jalousie, comme Allah, subhanahu wa ta'ala, les a décrits dans le Coran. قال عز وجل إخوانا على سرور متقابلين. La traduction approximative du sens du verset, ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Et avant ce verset, il est dit, وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ غِلِّنْ. Avant le verset qui l'a précédé, il dit, dans la traduction approximative du sens du verset, et nous avons arraché toute rancune de leur cœur. Il dit, rahimahullah, et c'est pour cela qu'Allah a souri à la vue de ces deux hommes. Le hadith est une preuve que le mécréant, quand il se repent de la mécréance et qu'il se soumet à Allah, même s'il a tué un musulman, Allah lui pardonne et accepte son repentir, car l'islam couvre tout ce qu'il a, tout ce qui l'a précédé. Notre noble cheikh, rahimahullah, a dit, ces deux hadiths nous éclairent sur le repentir, et que celui qui se repent, Allah accepte son repentir, peu importe la grandeur de son péché. Car il est dit dans le verset, قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. La traduction approximative du sens de ce verset qu'il a cité, rahimahullah, et ceux qui n'invoquent pas d'autre avec Allah, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas d'associé à Allah, ils ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, et qui ne commettent pas la fornication. Car quiconque fait cela, encourra une punition, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans le hadith suivant, selon Abu Moussa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qays a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a péché le jour. Il tend la main le jour pour accepter le repentir de celui qui a péché la nuit. Et ce, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Allahu Akbar, la grande clémence d'Allah, jusqu'à ce, la porte du repentir est ouverte jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Le hadith est rapporté par l'imam muslim. Et selon Abu Huraira radiallahu anhu arda, Allah accepte le repentir de toute personne qui se repent avant que le soleil ne se lève de l'ouest. Avant que le soleil ne se lève de l'ouest. Le hadith est rapporté aussi par l'imam muslim. Et selon Abi Abdirrahman, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dit que le prophète a dit, Allah accepte le repentir de son serviteur tant que celui-ci n'a pas rendu l'âme. Le hadith est bon, il est rapporté par Tirmidhi et jugé Hassan. Et cela prouve l'immensité de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs. La porte du repentir est constamment ouverte et ne se fermera que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest, qui est un grand signe de la fin de ce bas monde. Ceci concerne le terme général de toute l'humanité. Quant au terme individuel de chacun de nous, c'est la mort de la personne. L'individu doit se hâter de se repentir avant que l'âme n'arrive à la gorge. Comme nous avons vu cela lors de la première assise concernant le repentir. Le noble cheikh, al-Sheikh ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi, dit que ces trois hadiths cités par Nawawi rahimahullah, hadith d'Abu Huraira, دابو موسى الأشعري، دابو عبد الله، دابو عبد الرحمن، عمر بن عبد الله بن عمر. Il dit, ces trois hadiths qu'il a cités, rahimahullah, concernent le repentir. Il dit, quant au hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, où le messager a dit, Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a péché le jour, jusqu'à la fin du hadith. Il a dit, rahimahullah, ça prouve, ce hadith prouve la générosité absolue d'Allah. Il est immense générosité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il accepte le repentir même tard, même si la personne tarde de se repentir, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Il dit, certes Allah tend sa main jusqu'à ce que le croyant se repent du péché qu'il a commis. Il dit, rahimahullah, ce hadith prouve qu'Allah aime d'un grand amour le repentir. Et il dit, rahimahullah, et cela apparaît clairement dans le hadith de l'homme qui a perdu sa monture avec toutes ses provisions dans le désert, que nous verrons après, inshallah. Il dit, dans le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, il y a la confirmation de la main à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a deux mains, comme il est dit dans le verset. قال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Et la traduction approximative du sens du verset, et les juifs disent, la main d'Allah est fermée, que leurs propres mains soient fermées, et maudit soit-il pour leur dire. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Il dit, rahimahullah, et ces deux mains qu'Allah, les deux mains qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est confirmé lui-même, nous y croyons. Et il n'est pas permis de s'illusionner quoi que ce soit. Hein? Et de les ressembler à nos mains ou aux mains d'une créature. Car il est dit dans le verset qui est la règle concernant les noms et les attributs d'Allah. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. La traduction approximative du sens du verset, il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui le Dieu et le clairvoyant, subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah, il en est ainsi pour tous les attributs d'Allah, tous les attributs que tu entends, parmi les attributs d'Allah, confirme-les sans les faire ressembler aux attributs des créatures. Car rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans son essence, ni dans ses attributs. Et il dit, rahimahullah, et dans le hadith, Allah accepte le repentir du serviteur, même si le serviteur retarde son repentir. Mais il est obligatoire de se hâter. Hein? La personne est obligée, il est obligatoire pour elle de se hâter, de se repentir. Mais malgré cela, si la personne retarde son repentir, Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Et dans ce hadith, il dit, rahimahullah, dès que le soleil se lève de l'ouest, il n'y a plus d'acceptation du repentir. C'est fini. Il dit, rahimahullah, on peut se poser la question, est-ce que le soleil se lèvera de l'ouest? Car ce qui est connu, c'est qu'il se lève de l'est tout le temps. Il dit, rahimahullah, nous disons oui, c'est ce qui est connu. Depuis qu'Allah a créé le soleil jusqu'à notre jour, mais à la fin du temps, Allah ordonnera au soleil de revenir de là où il est venu, et donc le tour va être inversé, et il se lèvera de l'ouest. Il dit, et quand les gens le verront se lever de l'ouest à ce moment-là, ils croiront tous, même les mécréants, juifs, chrétiens, bouddhistes, communistes, laïcs et autres, tous vont croire. Il dit, mais cela, celui qui n'a pas cru avant le lever du soleil de l'ouest, sa foi ne lui servira à rien. Il dit, rahimahullah, tous ils vont se repentir au moment de voir le soleil se lever de l'ouest. Mais celui qui ne s'est pas repenti avant le lever du soleil de l'ouest, son repentir est rejeté. Il dit, rahimahullah, car ce signe, tout le monde le verra. Et quand les grands signes avertisseurs arrivent, la foi et le repentir ne serviront pas. Il dit, rahimahullah, quant au hadith d'Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu arda, Allah accepte le repentir tant que l'âme n'est pas arrivée à la gorge. Il dit, car si l'âme est arrivée à la gorge, il n'y a plus de repentir. Et il dit, les autres textes ont clarifié cela, que si la mort est présente devant la personne, et les anges de la mort sont là, et que l'âme est arrivée à la gorge, il n'y a plus de repentir. قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. La traduction approximative du sens du verset. Mais l'absolution n'est pas destinée à ceux qui font des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et il s'écrie « Je me repens maintenant ». Il dit, rahimahullah, oh frère, hâte-toi au repentir, repens-toi à Allah, reviens à Allah, et renonce à ce que tu fais comme péché, et accomplis ce que tu as négligé comme obligation, et demande à Allah qu'il accepte ton repentir, car c'est Allah qui donne la réussite. Rahmatullahi ala Sheikh al-Uthaymeen. Passons au hadith suivant. Le hadith d'Abi Jamra Anas ibn Malik al-Ansari, le serviteur du messager alayhi salatu salam, qui a dit que le messager d'Allah a dit, certes, Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus que l'un d'entre vous qui retrouve son chameau qu'il a perdu dans le désert. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et dans la version de l'imam Muslim, Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus que ne se réjouit l'un de vous qui traverse un désert et voit sa monture lui échapper en portant sa nourriture et sa boisson. Désespérant de la retrouver, il s'allonge à l'ombre d'un arbre alors qu'elle est ainsi. Voilà que sa monture se présente devant lui. Et il la saisit par la bride et s'exclama, ce n'est fait de la joie. Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il s'est trompé par cette grande joie. Le noble érudit Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayhi a dit, quand le messager est arrivé à Médine, la mère d'Anas ibn Malik a ramené Anas au messager et lui a dit, si Anas ibn Malik, pour te servir au messager d'Allah. Et le prophète l'a accepté. Ainsi Anas est devenu le domestique du prophète alayhi salam. Anas, dans ce hadith, a dit que le messager d'Allah a dit, Allah se réjouit du repentir du serviteur plus que cet homme qui a retrouvé sa monture après l'avoir perdu dans le désert jusqu'à la fin du hadith. Et il a cité l'histoire qu'un homme a perdu son dromadaire dans le désert. Il n'y avait personne avec lui. Il n'y avait autour de lui ni nourriture ni boisson. Khlas, la monture est partie. Il a disparu avec la nourriture et la boisson dans le désert. L'homme a désespéré de la retrouver. Et il s'est allongé à l'ombre d'un arbre, attendant ainsi la mort. Car sa nourriture et sa boisson étaient sur le dos de son chameau. Alors qu'il était ainsi, allongé à l'ombre de l'arbre, tout d'un coup, son dromadaire se présente devant lui et il le saisit par la bride. Cheikh Rahimahullah a dit, comment vous imaginez cette joie? Il dit, Rahmatullah alayh, cette joie ne peut l'imaginer que celui qui a vécu une situation similaire à celle de cet homme. C'est une énorme joie. Il s'est réjoui de la vie après la mort. Car c'est pas simple de perdre, d'être dans le désert et de perdre tout. La nourriture, la boisson, la monture. Et il dit, Rahimahullah, c'est pour ça il a saisi la bride du dromadaire en disant, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Il voulait faire l'éloge à Allah. « Oh Allah, tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. » Sa joie était tellement immense qu'il a inversé la situation. Il dit, Rahimahullah, ce hadith prouve qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur quand celui-ci se repent à Allah. Allah aime beaucoup cela. Mais ce n'est pas parce qu'il aime beaucoup le repentir, ce n'est pas parce qu'il a besoin de nos œuvres ou il a besoin de notre repentir. Non, Allah n'a pas besoin de nous. N'a pas besoin de nos œuvres, n'a pas besoin de notre repentir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme il aime la générosité, il aime subhanahu wa ta'ala pardonner, il préfère et aime le pardon au châtiment subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il aime le repentir de l'être humain. Il dit rahimahullah, ce hadith incite au repentir, car Allah aime le repentir. Il dit, et dans le repentir, il y a l'intérêt du serviteur. Le repentir est tout à l'honneur et dans l'intérêt du serviteur. Il dit, rahimahullah, dans ce hadith, il y a la confirmation de la joie à Allah, azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit. Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et tous ces attributs sont confirmés à Allah et ne sont pas comme nos attributs. Et ne ressemblent à aucun attribut. Ce sont des attributs qui sient à la grandeur et à la majesté d'Allah. Il est dit dans le verset, « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. » Rien ne lui ressemble. Et il est le Dieu et le clairvoyant. Il dit, « Rahimahullah, la joie d'Allah. » Si à sa grandeur subhanahu wa ta'ala et à sa majesté, il ne ressemble pas à la joie des créatures. Et la joie des créatures ne ressemble pas à celle d'Allah. Il dit rahimahullah, et dans ce hadith, si la personne a commis une erreur dans la parole, même si c'est une parole de mécréance, elle ne lui sera pas pris rigueur avec celle-ci. S'il a dit une parole de mécréance par erreur, le fait que l'être humain dise à son Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur, il n'y a aucun doute que ceci est une mécréance. Mais comme ceci s'est fait par erreur et que ce n'est pas ce que veut exprimer la personne, il ne lui sera pas pris rigueur par cela. Contrairement à celui qui s'en moque de la religion, se moque du prophète, hein? Celui-là, il devient mécréant. قال عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc celui qui se moque de la religion d'Allah ou du prophète ou d'Allah ou autre, bah écoute ce que dit le verset qu'a cité Cheikh Rahmatullah Aleyh. Hein? Il dit, le verset dans la traduction approximative nous dit ceci, et si tu les interroges, ils diront, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien jeté la foi après avoir cru. Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi dit, le moqueur a voulu par ses paroles la moquerie et sa signification. C'est pour ça qu'il est considéré mécréant. Contrairement à celui qui s'est trompé, il n'a pas voulu la signification de ce qu'il a dit. Et ça, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Fin de citation. Et c'est seulement Allah qui donne la réussite. Et voici qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de sa sainte miséricorde. Voici l'histoire du repentir de Fudayl ibn Iyad, comme la rapporte Dahabi, rahimahullah, dans Siyar al-Alam Nubala. Donc, j'ai terminé l'extrait que j'ai pris de l'interprétation de Cheikh Al-Utaymin de ce chapitre. Et je vous lis cette histoire du repentir de Fudayl ibn Iyad, rahimahullah. On voit comment la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala est grande et comment il comble ceux qui se repentent et qui reviennent vers Allah. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, comme le rapporte Dahabi dans Siyar, était un brigand qui pillait les caravanes au Turkménistan, là-bas, au milieu de l'Asie, entre la ville de Sarkhes et Abiyurd. Et la cause de son repentir, c'est qu'il s'est épris d'amour pour une servante. Un jour, il grimpait le mur pour la rejoindre, et il a entendu une voix réciter le verset suivant. « Alam ya'ni lil-lazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » La traduction approximative du verset, qui a atteint son cœur pour se repentir, ce verset dit ceci dans la traduction approximative. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur soit s'humilie à l'évocation d'Allah? Quand Fudayl ibn Iyad a entendu ce verset, il a dit, certes, ô messager d'Allah, le temps est arrivé. Et il est revenu de ce qu'il voulait faire. Et il est rentré dans une bâtisse abandonnée pour y passer la nuit. Et dans cette bâtisse, il y avait des voyageurs qui étaient abrités là pour la nuit. Certains parmi eux se sont dit, on part maintenant. On reprend la route maintenant. D'autres ont dit, jusqu'au matin, jusqu'à ce que le matin soit levé, car le Fudayl s'attaquera à nous si on part maintenant. Et le Fudayl a entendu cette parole. Le Fudayl a dit, j'ai réfléchi et je me suis dit, la nuit, je fais les péchés et des gens parmi les musulmans ici ont peur de moi et je vois qu'Allah m'a ramené vers eux. Je vois qu'Allah m'a ramené vers eux, pour connaître la gravité de ma situation et la gravité de mes actes. Et pour que j'arrête de faire ce que je fais. Et il dit à ce moment-là, oh Allah, je me repens à toi. Et pour mon repentir, je m'en vais demeurer, et prendre comme demeure une demeure voisine au haram. Et il a quitté son pays, il est allé vers la Mecque, rahimahullah ta'ala. Dahabi rahimahullah a dit, l'association est pire que le pillage sur les routes. Il dit, des gens se sont repentis de l'association, ils sont devenus les meilleurs de la communauté. Les tout petits serviteurs sont entre les mains d'Allah. Il guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et il garde qui il veut. Fin de citation de Dahabi rahimahullah. Eh oui, quand on médite l'histoire des nobles compagnons d'Allah alayhim, on comprend ce qu'a dit Dahabi rahimahullah. Et pour clôturer ce chapitre du repentir, je me rappellerai à moi-même, ainsi qu'à mes frères et sœurs, cela. Il est du devoir du musulman de connaître l'obligation du repentir et de connaître les mérites du repentir et sa place auprès d'Allah Azza wa Jal. Et que peu importe la grandeur du péché, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne et accepte le repentir de celui qui se repent. Celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir, comme nous l'avons vu à travers ces hadiths et à travers les versets. Et qu'on ne doit pas désespérer de l'immensité de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Méditez frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, malgré les excès dans la désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés mes serviteurs ibadi, qu'on déplaise al-khawarij, qui rendent mécréant tout un chacun, qui fait des péchés capitaux. Regardez, malgré qu'ils ont exagéré, qu'ils sont dans l'excès, au détriment d'eux-mêmes, Allah il les a appelés mes serviteurs. Et méditez aussi la parole d'Allah dans ce verset: Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Car Allah pardonne tous les péchés. N'importe quel péché, Allah pardonne à celui qui revient vers Allah, à celui qui demande le pardon d'Allah Azza wa Jal, à celui qui se repent d'un repentir sincère. Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille et il est content de lui et il le couvrira de sa sainte miséricorde, car il est le très miséricordieux et le pardonneur subhanahu wa ta'ala. Fasallah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, بأسمائه العلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالتوبة النصوح وأن يتقبلنا الله سبحانه وتعالى وأن يتقبل دعاءنا وأن يمن علينا وعليكم بالفقه في الدين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.